19-26, observation. Dérivé de prendre. Je vais prendre un tir. Reprenons la conversation. Elle a appris l'anglais en Angleterre. On ne la comprend pas. C'est une artiste incomprise. Elle a entrepris de couvrir les murs de fresques.